même si tu es absent. Ton sang et mon sang, même si je suis conscient de la peine dans tes veines passant. Même si tu es distant, que tu m'as laissé ce temps, rien ne vaut plus pourtant, le manque se reflète en nous, pardon. Puisque tu n'es plus le même, ce disque est ce que tu sèmes, je voudrais que tu dises que tu m'aimes. Le premier sur la liste qui n'a pas suivi ta piste. Il n'y a rien de triste à part que lui et moi c'est toi tes fils. Puisque tu n'es plus le même, ce disque, ce que tu sèmes, et j'attendrai que tu m'aimes. On s'enfonce dans un puits sans fond, on s'écarte de l'horizon. Je regarde ce qu'ils font, je ne reconnais plus ma maison. Je ne reconnais plus ma maison. Je ne reconnais plus ma maison.